Leçon 2. Exercice 15. Salutations. Exemple. Vous rencontrez le président de la société qui vous emploie. Vous saluez, vous dites. Bonjour, monsieur le président. À vous. Vous rencontrez le directeur de l'entreprise. Vous saluez, vous dites. Bonjour, monsieur le directeur. Vous rencontrez votre collègue de bureau, Pierre Boudard. Vous saluez, vous dites. Bonjour Pierre. Vous rencontrez vos interlocuteurs dans une négociation. Vous ne connaissez pas leur nom. Vous saluez, vous dites. Bonjour messieurs. Vous rencontrez quelqu'un que vous avez vu plusieurs fois. Vous ne vous souvenez pas de son nom, vous voulez lui témoigner que vous l'estimez. Vous saluez, vous dites. Bonjour, cher ami.